Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Né en 1884, Jean-Richard Bloch fut une figure majeure de la vie intellectuelle française de l'entre-deux-guerres. Après sa mort en 1947, il tomba assez rapidement dans un oubli qui perdure jusqu'à aujourd'hui et que l'on peut attribuer, au moins en partie, au fait que sa postérité a longtemps été portée essentiellement par les communistes. Son dernier livre, publié à titre posthume en 1949, était une biographie élogieuse de Staline, intitulée « Staline, l'homme du communisme ». L'écrivain, qui fut la voix française de Radio Moscou pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'adhéra pourtant au parti qu'assez tardivement, en juillet 1939. Son engagement intellectuel, ancré dans une adhésion au socialisme à l'orée du XXe siècle, est complexe et riche. Auteur de romans, de pièces de théâtre et de poèmes, fondateur de la revue L'Effort Libre à la veille du premier conflit mondial et contributeur régulier de la revue Europe au lendemain de celui-ci, il fut aussi l'ami de Romain Rolland et de Jean Paulhan, comme en témoigne leur correspondance publiée. En 1990, Anis Clément proposait de découvrir la vie et l'œuvre de Jean-Richard Bloch dans deux volets de l'émission Profil perdu. Dans le premier d'entre eux, elle retraçait son itinéraire intellectuel au cours des deux premières décennies du XXe siècle. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 novembre 1990. Le français est le peuple le plus spirituel du monde. Le niveau de culture atteint par la nation française est un des plus élevés qui soit. La France a depuis longtemps une des meilleures équipes d'écrivains. S'il existait des Jeux olympiques de l'esprit, comme il y en a pour le muscle, nul doute que notre pays n'ait dû remporter maintes épreuves. Il y a 10 ans, les Américains se sont émerveillés d'apprendre qu'un premier ministre de chez nous avait rectifié une citation littéraire faite de mémoire à la tribune par un orateur de l'opposition. « Il n'y a qu'en France, ont-ils murmuré, que pareille élégance soit possible. » Bien. Voulez-vous maintenant prendre votre voiture, votre moto, votre bicyclette ou vos pieds et parcourir villages et petites villes du canton de France que vous connaissez le mieux? Voulez-vous examiner une à une les devantures des boutiques où se débite la chose littéraire? Voulez-vous interroger les instituteurs, les marchands de livres, les quelques personnes cultivées de la région? Les résultats de votre enquête vous feront reculer, épouvanter. Quoi? C'est donc ça que lit la nation la plus lettrée du globe? C'est donc cette nourriture-là dont son esprit se satisfait? Cette courte prospection vous aura révélé ce qu'un chacun peut constater en jetant au passage un regard vers les devantures des papeteries, des dépôts de journaux et des merceries, où le peuple français, à la ville comme au champ, se procure ses aliments intellectuels. Avez-vous déjà rencontré, sinon une fois par hasard et par accident, un compagnon ou un ouvrier agricole dans une librairie? Il ne s'y aventure pas davantage que dans un salon de coiffure élégant ou un bar luxueux. Qu'irait-il y faire? Hors le cas d'un manuel technique, d'un agenda, d'un livre pour enfants dont ils apportent le titre, ils se sentiraient perdus au milieu de ces rayons chargés d'une littérature qui n'a été faite pour eux, ni dans son esprit, ni dans sa forme. J'entends votre objection. Et tout ce que vous avez dit qu'il était, si donc vous êtes si Profil perdu. Jean-Richard Bloch, 1884-1947, par Anis Clément. Première émission, Le témoin de l'aurore. Marianne Millot. Autant qu'écrivain, mon père était citoyen. Cet ordre jour était pour lui une chose excessivement importante, capitale même, de la liberté, de la défense de la liberté, de la démocratie. Pour lui, ça a été des choses tellement capitales qu'à partir du moment où on a senti de nouveau la bonté du fascisme, et il y a eu toutes ces menaces qui ont annoncé précédé la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas pu résister à sa conscience de citoyen. il a pris des engagements de militants, si vous voulez, qui l'ont détourné de son œuvre d'écrivain parce qu'il a estimé, en conscience certainement, que son devoir était de vouer ses forces à réunir des gens et à lui-même à militer pour la défense des libertés et contre le fascisme. Il en a souffert énormément, ça se reflète dans toute sa correspondance, dans toutes ses lettres. Il dit « Quand est-ce que je pourrais reprendre mon travail ? Mais je n'ai qu'une idée, c'est de retourner à Poitiers travailler. J'ai tout cela en chantier, etc. » Sans arrêt, on trouve des allusions et des phrases qui montrent comme il en souffrait. Que reste-t-il aujourd'hui de Jean-Richard Bloch ? Il est très oublié. Oui, mais je pense justement que c'est comme beaucoup d'écrivains de cette époque, c'est tout à fait injuste et que je pense qu'on peu à peu on va s'apercevoir qu'il manque tout un pan de notre histoire littéraire et qu'on a besoin de réhabiliter tous ces écrivains, pas seulement mon père qui est en effet complètement oublié, mais également d'autres de ses amis, quelqu'un comme Georges Duhamel qui l'aimait beaucoup et avec qui il a été très lié et dont l'œuvre est importante, et d'autres encore, Vildrac, etc. Aragon a dit de lui qu'il était un homme d'honneur, d'une grande fidélité. Guide spirituel pour les uns, maître et camarade pour les autres, Jean-Richard Bloch voulait montrer la route. Écrivain engagé, anticolonialiste et antifasciste, on le trouve du côté des vaincus invaincus de Madrid en 1936 et des bâtisseurs du Nouveau Monde à Moscou. Attentif, éperdument attentif, projeté vers l'avenir, le monde de demain. Porté par sa foi dans une société plus juste, Jean-Richard Bloch, aristocrate de l'intelligence et du cœur, n'a cessé de se battre en romancier, en essayiste, en journaliste, en grand reporter. Né à Paris dans une famille de polytechniciens, il est encore un enfant quand, en 1894, entre dans sa vie une femme tout à fait déterminante, Jenny de Vasson. D'une grande culture, cette intellectuelle, voyageuse et photographe sera en quelque sorte une mère spirituelle pour le jeune Jean-Richard. Gilles Volkovitch. Cette rencontre s'inscrit vraiment en plein milieu de l'affaire Dreyfus et c'est aussi un contact tout à fait privilégié que celui de la famille de Vasson, qui était très libre, qui était libéral, libre penseur, et qui, avec la rencontre de la famille Richard Bloch, ont eu, si vous voulez, à cette époque, justement en 1894, et pendant les 20 années qui ont suivi, justement traversé toute cette affaire dans des relations tout à fait privilégiées. C'est aussi sans doute pour cela que monsieur et madame Richard Bloch ont davantage laissé leur fils, qu'ils ne l'auraient peut-être laissé autrement, fréquenter, si vous voulez, la famille de Vasson, de manière aussi approfondie. Et effectivement, il a beaucoup travaillé avec Jenny de Vasson. Jenny de Vasson s'intéressait, je vous ai parlé tout à l'heure de la grande culture, mais à beaucoup de questions. Elle s'intéressait beaucoup à la grammaire. Et alors là, ils ont fait beaucoup d'exercices, certainement de grammaire. Elle s'intéressait à la graphologie. Elle s'intéressait à la sémantique. Donc, toute une formation qui devait servir certainement plus tard à un écrivain, il a pu l'acquérir auprès d'elle. Il a également certainement beaucoup profité d'une passion qu'elle avait, une passion quasiment dévorante pour la musique, et elle-même jouait beaucoup, beaucoup de piano, elle-même chantait, comme elle dit souvent dans ses écrits, j'étais une chanteuse, et c'est le seul métier que j'aurais pu faire, et elle a certainement passé des soirées, des journées entières avec Jean-Richard Bloch, à justement faire de la musique, à parler de musique. Il faut dire aussi que dans la propriété où habitait Jenny de Vasson, à l'abbaye de Varennes, comme dans l'hôtel particulier qu'ils habitaient à Versailles, de demeure que fréquentait beaucoup Jean-Richard Bloch, on avait encore coutume à cette époque-là de faire du théâtre, de faire des concerts familiaux ou un peu plus ouverts. Et là, effectivement, ils ont eu des relations également très suivies de ce type, en rencontrant des tas d'amis, des tas d'autres intellectuels de l'époque qui venaient se rassembler ensemble. Et on sait que Jean-Richard Bloch sera passionné toute sa vie aussi par la musique. Il va écrire des musiques pour des ballets. Est-ce qu'on peut penser que cette influence vient de Jenny de Vasson ? Certainement déterminante et on la retrouve tout à l'heure, je vous parlais de Bernard Naudin, pareillement, Bernard Naudin a composé plusieurs suites de gravures sur des thèmes de musique et sur des œuvres musicales. Donc, si vous voulez, l'influence de Johnny de Vasson sur plusieurs artistes de cette époque concernant la musique a été déterminante. On le constate d'ailleurs dès les premiers textes et les premiers romans de Jean-Richard Bloch. Si on regarde Et compagnie, par exemple, on voit que la passion très forte de Johnny de Vasson pour Goethe se retrouve très clairement dans les premiers écrits. Et l'influence, si vous voulez, est très nette. Alors évidemment, au fur et à mesure que l'écrivain prendra plus de maîtrise, prendra plus d'expérience, il se détachera en tout cas de l'apparence immédiate de ce contact, mais il est certain que dans les 10 premières années du jeune écrivain, on sent, mais de manière très visible, l'influence directe de Johnny de Vasson. Alors il y a une phrase de Johnny de Vasson sur Jean-Richard Bloch. Elle dit de lui, la flèche qui vibre, fixée dans le but, c'est ça? Tout à fait, effectivement, vous avez de bonnes sources. Effectivement, elle s'amusait aussi beaucoup à donner des phrases sur tout son entourage, mais c'est tout à fait certainement comme cela qu'elle voyait ce... Ben, c'est un jeune homme très brillant, très vif, donc c'est tout à fait une bonne définition de Bloch qui lui correspond tout à fait. Il parle de Johnny de Vasson dans plusieurs lettres, beaucoup d'ailleurs de passages, dans des lettres qui n'ont pas été publiées. Certains passages ont des lettres publiées, notamment dans sa correspondance échangée avec Romain Rolland, où il décrit Johnny de Vasson comme un personnage tout à fait extraordinaire et tout à fait important. Je ne sais pas, je vous en donne deux phrases, pas plus, je ne veux pas vous ennuyer, mais cette femme dont je vous parle est seule dans sa génération pour concentrer en elle une longue somme de culture et d'humanité. Ce qu'elle a sauvé d'être est incroyable. Il y a, jusqu'à ce jour, 15 femmes qui lui doivent d'avoir compris leur destinée et trouvé leur équilibre dans la vie. Alors 15 femmes en soi, vous allez dire, c'est pas un nombre colossal, mais en réalité, c'est beaucoup plus de personnes que cela qu'a connu Jenny de Vasson et qu'elle a aidé, mais au sens premier du terme. Elle les connaissait, elle les a beaucoup fréquentées, elle les recevait, elle les assistait, mais ce n'était pas une visite une fois par semaine. C'était des gens qui vivaient auprès d'elle, dans ses propriétés, enfin dans les deux propriétés où elle vivait, successivement, si vous voulez. Donc c'est vraiment un appui permanent, qui a une certaine durée qu'elle apporte à ces personnes. Quand elle meurt le 15 février 1920, Jean-Richard Bloch est là, je crois. Oui, absolument. Jean-Richard Bloch était présent au moment du décès de Johnny de Vasson. Il était effectivement... logique qu'il soit là, puisqu'elle était un peu lui, son épouse, les enfants élus de Johnny de Vasson, qui elle-même raconte qu'à l'âge de 14 ans, elle avait renoncé à une vie de femme. Elle-même souffrait, si vous voulez, son physique était très endommagé par un poids considérable. Elle était obèse. Et elle souffrait beaucoup d'obésité. Donc, si vous voulez, elle avait, dès l'âge de 14 ans, alors qu'elle était d'un visage assez joli, renoncer définitivement donc à cette vie de femme, le dit-elle, et certainement qu'avec la volonté qu'elle avait, c'était une décision pour elle irrévocable, parce que plusieurs personnes, y compris des artistes, avaient souhaité l'épouser. Et donc, c'était une décision irrévocable. Elle a compensé en partie, certainement, par un peu l'adoption, si vous voulez, de quelques-uns, et notamment de ses proches, et tout particulièrement Jean-Richard Bloch. Michel Bloch. Je l'ai vu pleurer quand il a appris, j'étais tout jeune. Je ne me rappelle plus l'année exacte, c'est tout de suite après la guerre 14-18, quand il a appris la mort de Mademoiselle de Vasson. Et c'est là que je me souviens, jeune garçon, découvrant mon père avec sa tête sur les genoux de ma mère, et moi m'approchant en disant « Papa qui fait semblant de pleurer », et mon père relevant sa tête, je vois sa figure inondée de larmes, j'ai été pétrifié. Je me suis éloigné sur la pointe des pieds, stupéfait et terrifié. C'était un coup terrible pour mon père. Il avait énormément aimé Mademoiselle de Vasson. Elle l'avait respectée. Elle avait été pour lui, elle a joué pour lui. Et pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, un rôle considérable. En 1910, Jean-Richard Bloch est professeur au lycée de Poitiers. Il crée L'Effort, revue littéraire qui se veut la revue de la civilisation révolutionnaire. Christophe Prochasson. Il y a dans ces années 10, et je crois qu'on ne comprendrait pas l'effort libre si on n'avait pas en tête ce climat intellectuel particulier des années 10, à droite comme à gauche, des intellectuels se mobilisent pour donner un nouveau souffle à la culture française qui est en quelque sorte comme cassée, essoufflée depuis la fin de l'affaire Dreyfus. Hein. On a eu ce grand élan de l'affaire Dreyfus, d'ailleurs qui a été très formateur pour Jean-Richard Bloch, puisque d'après lui, c'est à ce moment-là qu'il a sauté le pas en direction du socialisme. Mais cet élan-là a été cassé, disons, au tournant des années 1902-1903. Et dans ces années 10, il y a donc cette tentative de renouer avec un grand mythe. Et ce mythe, c'est le mythe de la civilisation révolutionnaire. C'est-à-dire de faire de la France de nouveau un phare de la culture européenne qu'elle avait en quelque sorte perdu. L'effort libre, c'est ça. C'est un instrument qui va dans cette direction, qui essaye de redynamiser un peu la vie intellectuelle. Donc une revue à la fois politique et culturelle, où dans un premier temps, et ça c'est important dans l'histoire de l'effort libre, la culture l'emporte sur le politique. Et il y a un moment dans cette histoire de la revue où eh bien, il y aura un renversement, la politique l'emportera sur la culture. Il y a une orientation brutale, je dirais presque à l'extrême gauche, sous l'impulsion notamment de Charles Albert, qui est un ancien militant anarchiste que a rencontré Jean-Richard Bloch et qui lui confie la direction politique, je dirais même, de la revue L'Effort Libre, cette fois-ci, à partir de 1913. Alors à qui va-t-il faire appel? Quels seront les collaborateurs? À des gens extraordinaires. Des gens extraordinaires qui sont presque inconnus avant la guerre de 14, hein. À l'exception de Romain Rolland, qui regarde ça d'un peu de haut d'ailleurs, hein, qui n'est pas un collaborateur direct de la revue, mais qui parraine, qui donne sa bénédiction à la revue, mais à une pléiade de gens merveilleux qui ne sont pas encore connus et qui vont être des personnes, des intellectuels, des écrivains, des peintres, des artistes qui vont dominer tout l'entre-deux-guerres. Alors, qui sont-ils? Quelqu'un comme Martin Dugard. Quelqu'un comme le docteur Mauricio Beauchamp. Qui est un des premiers à traduire Freud. J'allais vous le dire, hein, et qui est quand même quelqu'un d'oublié totalement aujourd'hui, mais qui a eu un rôle de médiation extraordinaire. Bon. Quelqu'un aussi qui s'appelle Émile Herzog, et qui est le beau-frère de Jean-Richard Bloch, plus connu sous le nom d'André Mauroy. Émile Herzog, André Mauroy, s'est vite éloigné de cette affaire familiale qui lui semblait sans grand avenir, un peu trop à gauche à son goût d'ailleurs, il s'est retiré de l'entreprise. Mais enfin, tout ça pour vous dire que ce n'était pas des seconds couteaux. J'ajoute que des gens comme Léon Bazalgette, qui est aussi un grand écrivain aujourd'hui oublié, mais qui a eu quand même ce rôle considérable de traduction et de présentation à la France de Walt Whitman et de quelques autres aussi, et qui est à mon avis quelqu'un qu'on ferait bien de redécouvrir aujourd'hui. J'en oublie, mais ce qu'il faut aussi voir à partir de cette revue, et ça on le voit très bien dans cette gigantesque correspondance que détient la Bibliothèque nationale de la correspondance de Jean-Richard Bloch, 70 volumes, c'est l'écho de la création de cette petite revue dans les avant-gardes intellectuelles de l'époque. Si on fait l'inventaire des correspondants de Jean-Richard Bloch autour de la revue, on trouve André Gide, Marcel Proust, et toute l'équipe de la NRF, sans oublier des gens comme Apollinaire, comme aussi de très nombreux écrivains qui sont encore une fois, je le répète, peu connus, Jules Romain, Duhamel, vous voyez, déjà je mets les points de suspension parce que nous n'en finirions pas. C'est donc quelqu'un qui est arrivé à attirer les regards de tout ce qui se fait de plus, j'allais dire de mieux, mais c'est un jugement de valeur, mais de plus à l'avant-garde à cette période-là. Et rien que pour cela, il faut attirer aujourd'hui l'attention des historiens de la culture sur ce véritable réseau qu'arrive à tisser Jean-Richard Bloch à ce moment-là. Alors c'est pluridisciplinaire aussi, parce qu'on y parle aussi de d'architecture, par exemple. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est une revue tout à fait disciplinaire où s'expriment des écrivains, mais aussi des artistes. Et ceci est d'ailleurs matérialisé par la présentation même de la revue, qui est illustrée très fréquemment de très jolis culs de lampe, souvent d'ailleurs résultant de graveurs les plus connus. Mazerel a fait quelques culs de lampe, par exemple, dans cette petite revue. Et effectivement, vous avez raison d'insister sur l'architecture qui intéresse beaucoup cette mouvance intellectuelle qui dépasse la revue de Jean-Richard Bloch. Je pense à d'autres revues qui se créeront un petit peu plus tard, en particulier une des plus brillantes, qui est une revue qui s'appelle Les Cahiers d'aujourd'hui, qui avait été créée dans une mouvance anarchiste et à laquelle participait aussi toute une avant-garde de peintres comme Matisse, mais aussi d'architectes, en fait, pères spirituels du Bauhaus, de l'entre-deux-guerres. Et dans la revue de Jean-Richard Bloch, on retrouve ces gens-là. Vous voyez encore une preuve de cet impact considérable de cette petite revue. Nous ne sommes pas là en train d'exhiber par pur goût d'érudition une revue que tout le monde a oubliée. Non, c'est une revue à ce moment-là qui a vraiment tous les caractères d'une revue d'avant-garde. On vint chercher Saad un matin. Il avait les chevilles entravées et les mains retenues derrière le dos par une chaîne. On l'entraînait vers l'agora. Les gens s'écrasaient dans les rues pour le voir. Saad sut à quoi s'en tenir en remarquant qu'il n'y avait pas un gamin qui ne serra une pierre dans chaque main aussi lourde et aussi grosse qu'il pouvait. Le trajet de la prison à l'agora ne fut pas long. Un pieu était là, planté en terre profondément, très épais, très solide, très sérieux. On l'y attacha. À mesure que l'instant approchait, un murmure naissait. La bête commençait à sentir sa faim et à gronder. D'où la première pierre vola qui la lança, on ne le sut jamais. Elle manqua d'ailleurs son but. Mais c'est à ce moment enfin qu'il aperçut Eventia. Elle se tenait dans le groupe des magistrats au premier rang. C'est aussi à ce moment-là que celui-ci ressentit le premier choc au front. Une autre pierre l'atteignit à la cuisse, faisant couler le sang. Il regardait la jeune fille. Il la buvait des yeux comme elle faisait de lui l'autre soir dans le patio. Alors il s'exclama en langue grecque fortement prononcée, « Eventia, ô unique, ô ma sœur de race, mourons-nous donc ainsi séparés, nous deux, les derniers de tous ?» Alors, que se passait-il? Que s'était-il passé dans l'esprit d'Eventia depuis tant d'heures? Avant qu'un seul eût pu faire un geste pour la retenir, elle s'élança dans l'espace mortel. Tout en traversant cette plage de honte, de soleil, de nudité, elle détacha, elle déchira, elle rejeta sa longue robe blanche, ses cheveux s'échappèrent et tout d'un coup, à la place d'un seul corps, le peuple éperdu vit qu'il y en avait deux, comme deux flammes. Une jeune fille d'une beauté antique tenait embrassée l'infidèle, lacérée, encore superbe, l'enveloppée de ses bras, de ses hanches, de ses genoux, de sa chevelure, de sa communion. Par milliers, les pierres sifflaient et ce n'était plus personne qui les lançait. La nuit kurde, Jean-Richard Bloch, 1925. C'était avant tout un créateur, un romancier. Et c'était en même temps un homme qui s'est voulu toute sa vie un révolutionnaire, depuis le moment où il a adhéré aux étudiants collectivistes à la Sorbonne, vers les années 1902-1903. C'était un homme qui était difficile dans ses rapports avec ses enfants, et spécialement avec son fils, je peux le dire, il nous aimait beaucoup. C'était à certains égards un très bon père et un père merveilleux, mais par moments, il était absolument impossible à vivre. Ma mère disait qu'elle ne connaissait rien de plus semblable à l'accouchement d'une femme que la création tel qu'existait chez mon père. Il restait quelquefois pendant des mois sans arriver à écrire une ligne. Il était alors véritablement malade et il rendait la vie impossible à son entourage. Tout ça, avec quelquefois des scènes excessivement émouvantes. Je me souviens la fois où ma mère est venue et a dit, les enfants, venez, votre père veut vous lire quelque chose. Nous sommes allés de son bureau et il nous a lu un passage de La Nuit kurde. Nous étions tout petits, ça doit être en 24, j'avais 13 ans, et Claude avait 9 ans et France 11 ans. Je les vois avec leurs chemises de nuit ramassées sous leurs pieds, et mon père nous lisant ce passage de La Nuit kurde, où il y a l'histoire des loups et des lions et des chiens, et nous, très impressionnés, stupéfaits, et excessivement en même temps contents que notre père nous fasse cet honneur de que sa première lecture soit pour sa femme et ses enfants, pour ses enfants, c'était quelque chose pour des petits-enfants comme nous. Non, c'est bien difficile d'en faire un portrait complexe. Il n'était pas bavard, il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup, mais c'était toujours intéressant. Alors, un amoureux de la vie, un amoureux des trains aussi. Et aujourd'hui, nous sommes à la Mérigotte et il y a une ligne de chemin de fer juste en bas. Et c'est très amusant parce que Jean-Richard Bloch aimait regarder passer les trains. C'est la ligne de Paris à Bordeaux. Et mon père s'est installé dans cette maison en partie parce que de l'autre côté de la vallée, on voit sans arrêter passer les trains qui circulent sur cette ligne extrêmement fréquentée. C'était le fils d'un ingénieur des chemins de fer. Mon grand-père était ancien élève de Polytechnique, ingénieur en chef de la compagnie de Paris à Orléans. Mon père en a gardé un goût, un amour profond pour les moyens de transport qu'on retrouve dans son œuvre. Il a écrit un des récits les plus remarquables qu'il ait écrit, à mon avis, c'est « Locomotive ». Et qui est le récit d'un voyage en chemin de fer de Poitiers à Limoges et à Gannat sur des locomotives successives et sur un cargo qui est le récit d'un voyage à Dakar et à Rufisque pour chercher une cargaison d'arachides sur le cargo, le Saumur. Ce sont des récits absolument remarquables dans lesquels, comme il disait, il a intitulé ses récits auxquels d'autres devaient joindre à la découverte du monde connu, ce monde de la technique et des grandes inventions qui nous environnent et qu'il aimait tellement. Je suis comme lui, il m'a légué sa maladie, hein, cette passion pour les trains, cette passion pour les bateaux, cette passion pour les avions qui était la sienne, hein. J'en ai hérité. Août 1914, Jean-Richard Bloch a 30 ans et 3 enfants. Et cependant, il part à la guerre pour 54 mois. Il part au front, dit-il, pour faire la guerre contre le féodalisme. Jean Albertini. Oui, contre le féodalisme et contre ce qu'il appelle l'impérialisme, c'est-à-dire non pas au sens moderne du terme un système économique, mais un système politique sous la direction d'un empereur. Le fait que la France soit une république et que l'Allemagne soit sous la direction d'un empereur joue son rôle. Ça peut nous paraître naïf à nous maintenant, mais à l'époque, ça jouait un rôle très important. Le fait que la France ait été attaquée et donc soit en quelque sorte à la merci d'une invasion, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs au début de la guerre de 14, et donc il faille la défendre en tant qu'entité nationale, son entité nationale, l'identité française, lui paraît capitale. et n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser maintenant, en contradiction avec son idéal socialiste. Et son idéal pacifiste, alors ? Mais son idéal pacifiste, justement, c'est, vous savez, c'est un peu aussi l'histoire de l'idée de la der des der, qui était l'idée de tous les anciens combattants après la guerre de 14, il partait pour faire la der des der, et donc, par cette guerre, empêcher toute guerre à l'avenir. C'était l'utopie qu'ils avaient dans la tête, dont ils sont bien revenus d'ailleurs tous après. Mais enfin, sur le coup, c'était l'idée qu'ils défendaient. Et donc, s'ils se portent volontaires, il est bien, pour le front, il est bien certain, malgré ses trois enfants, c'est bien aussi précisément parce que il veut prouver également son intégration en tant que juif dans la communauté nationale et prouver clairement que socialiste et juif, il est français et qu'il fait son devoir de français comme les autres et peut-être mieux que certains. Alors justement, il y a ces mots qui reviennent dans sa correspondance, notamment dans une lettre à Marcel Martinet, où il parle de nation, de devoir, de patrie. On sent que pour lui, c'est une vérité. Ah, c'est une vérité absolue. Il a été d'ailleurs pétri de cela dans son enfance et dans sa jeunesse. Son père a joué un rôle important dans cette formation, si vous voulez, de sa conception du monde et de la patrie. Son père, qui avait été volontaire à 17 ans, il avait été mobilisé comme ce qu'on appelle moblo, c'est-à-dire dans les unités qu'on appelait moblo à l'époque, pendant la guerre de 70, il a été volontaire pour la guerre de 70, alors qu'il était polytechnicien, il est parti se battre pendant la période, disons, après la fin de l'Empire, pendant la période après le 4 septembre 70, pour essayer de juguler l'invasion allemande qui se répandait de partout à ce moment-là, avec la catastrophe militaire qui avait précédé, les armées impériales ayant été partout battues, faites prisonnières, etc. Et donc son père les menait régulièrement, il en parle très bien dans la préface de La Nuit kurde, les menait régulièrement faire des pèlerinages sur les lieux de bataille qu'il avait connus. Il les emmenait voir les manœuvres militaires de la cavalerie, des cuirassiers à Bagatelle. Et il a été pétri par ça et très impressionné par toutes ces choses-là. D'ailleurs, sa fameuse nouvelle qui est recueillie avec Lévy et qui est un chef-d'œuvre du genre montre bien combien il était sensible à cette espèce d'organisation particulière sociale que peut être une unité militaire, la façon dont les civils, qui sont tous des individus au départ, deviennent une unité au moment où ils sont rassemblés en fonction d'un certain devoir qui s'impose à tous et qui est supérieur à toute leur volonté individuelle. Il y a une prise de conscience à ce moment-là d'une humanité blessée, douloureuse, mais justement qui peut trouver un secours en se rassemblant. Oui, un secours en se rassemblant et qui est non seulement douloureuse, mais qui est, je crois, surtout, vital, enfin, d'un corps social qui se rassemble pour se défendre et garder son intégrité ou, enfin, du moins, se maintenir dans son identité. Alors, ça va être très douloureux parce que je crois qu'il est blessé trois fois. Oui, il est blessé trois fois et de plus en plus gravement. Oui. Notamment à Verdun, en 1915, il est sonné par des bombardements qui font craindre pour sa vie. Il passe des mois et des mois à l'hôpital et il est blessé à la face notamment. Et vraisemblablement, c'est d'ailleurs une des causes indirectes et profondes de sa mort plus tard, subite ou quasiment subite. Et il passe des mois et des mois dans des hôpitaux à se rééduquer, à éduquer en particulier sa mâchoire, enfin à faire des exercices extrêmement douloureux. Et malgré ça, il repart. Voilà. Il demande à repartir. Il demande à repartir. Alors, on le met dans des postes qui sont moins exposés. Mais malgré tout, par exemple, il a fait toute la fin de la guerre en Italie comme interprète sur le front italien. Parce que comme il connaissait bien l'italien, puisqu'il avait été professeur notamment à l'Institut de Florence l'année avant la guerre de 14, il est là-bas comme interprète à l'état-major et il est quand même exposé parce qu'il est constamment en navette avec le front, enfin le front italien qui n'était pas un front particulièrement stable ni calme. Est-ce qu'il a écrit sur cette période difficile de sa vie ? Vous avez parlé d'une nouvelle tout à l'heure. Oui, mais la nouvelle, c'est une nouvelle qui a été écrite avant 14. Ouais. Et sur ses expériences de guerre, est-ce alors, qu'il a écrit? Alors, il a, sur ses expériences de guerre, il n'a pas écrit directement. Mmh. On trouve ça dans les correspondances, notamment. Il a essayé d'écrire... c'est difficile de dire des choses sûres à ce sujet, parce qu'on n'en sait rien. On voit en particulier dans la correspondance avec Roland. Roland le presse sans arrêt d'écrire. Il lui dit, vous êtes le seul à pouvoir écrire vraiment ce qu'il faut sur cette expérience-là. Et il dit toujours, oui, je vais le faire, je vais le faire, je le ferai. Et finalement, il ne l'a pas fait. Parce que je pense, et il n'a pas réussi en quelque sorte à... Bon, on sait que son œuvre est une œuvre mutilée de toute façon. Mais et qu'il a été pris à partir d'un certain moment par l'action sociale et qu'il a eu beaucoup de mal à continuer d'écrire. Mais je pense que c'est une expérience qui, par certains aspects, à laquelle il se sentait inférieur en quelque sorte pour l'exprimer. Et est-ce qu'elle est exprimable? Le problème reste entier. Moi, je crois que ce courant méconnu aujourd'hui. Du vitalisme, donc de l'effort libre et de ses petites revues, a été véritablement cassé, broyé par la guerre de 14. Autrement dit, le grand projet culturel dont il était porteur n'a eu aucun débouché concret, ni politique ni esthétique. Ça c'est clair, la guerre est venue laminer, d'abord physiquement, parce que un grand nombre de ces hommes sont disparus au combat, et Jean-Richard Bloch lui-même, blessé trois fois, aurait pu aussi subir ce triste sort. Mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'il a fallu revoir tout. Toutes les certitudes qui étaient en train de se constituer dans les années 10, toute cette idéologie pacifiste, et cette idéologie européenne aussi. L'Europe est un grand mot des années 10 dans cette mouvance culturelle-là. Eh bien, il faut revoir ça en d'autres termes. Et donc, je crois que là, Jean-Richard Bloch a dû réviser un certain nombre de ses points de vue. Donc, il y a une filiation, sans doute, l'attachement à la gauche, l'attachement renforcé à la paix, l'attachement aussi à la liaison que doit maintenir la culture et la politique. Mais sur le fond... tout ce qui a été constitué dans les années 10 paraît vieilli. Michel Trebitsch. Moi, ce qui m'intéresse dans les années 20, c'est dans Jean-Richard Bloch, c'est au fond la question suivante. Voilà quelqu'un qui s'acheminait vers une grande carrière littéraire. Qui se vivait comme tel, qui publie son premier grand roman au lendemain de la guerre, même s'il l'avait écrit avant, et compagnie, qui recueille un assez grand succès, très bien reçu, et puis qui, à la fin des années 20, va, au fond, arrêter d'écrire du roman, qui va publier encore des textes littéraires, qui va devenir autre chose. Et alors, on peut l'attribuer effectivement à son engagement politique, qui ne lui laisse plus le temps de faire autre chose, mais il me semble que c'est plus complexe. Et... donc j'essaye de comprendre comment le choc de la guerre, d'une part, qui est un ébranlement politique, bien entendu, mais aussi un ébranlement esthétique, si je peux dire, a pu le marquer comme d'autres notre intellectuels de sa génération. C'est pour ça que j'ai envie d'abord de m'interroger sur ce rapport de Jean-Richard Bloch au littéraire, à partir de ce roman et compagnie, bon, dont il est pas forcément nécessaire de raconter les péripéties. Il est la première grande, grosse production de Jean-Richard Bloch qui avait jusque-là écrit un recueil de contes. Alors la forme conte aussi pose problème. Et qui l'avait rapproché du milieu intellectuel légitime, c'est-à-dire celui de la NRF des avant la guerre, et qui, à cause de la guerre, au fond, ne peut publier ce Et compagnie qu'en 1917. Alors c'est un roman qui est... je ne sais pas comment on peut le lire aujourd'hui, qui fait partie tout à fait du courant réaliste, et aussi de cette tradition des sagas familiales, qui vont aussi donner Roger Martin Dugard, si vous voulez, à la même époque. C'est l'histoire d'une tribu, plus que d'une famille, juive alsacienne, donc avec toute une part d'autobiographie, les Simmler. Qui va faire fortune. C'est en même temps donc une sorte de lecture de l'histoire du capitalisme, avec quand même une question éthique ou ou existentielle derrière, qui est que l'esprit d'entreprise, donc la puissance de l'individu, la force vitale, aboutit à sa contradiction, c'est-à-dire la mise en place d'une puissance anonyme, la société capitaliste. C'est un petit peu ça le fil conducteur. Alors, c'est pas tellement sur ces contenus explicites et implicites que je m'interroge, mais sur le fait que Jean-Richard Bloch est accueilli, en quelque sorte, par la communauté intellectuelle au lendemain de la guerre, comme un des jeunes écrivains prometteurs. Pas forcément totalement innovateur au moment où diverses avant-gardes vont se développer, mais appartenant à ce grand courant de littérature française. Bon, voilà. L'autre grande œuvre proprement littéraire de cette période des années 20, c'est La Nuit kurde, qu'il intitule lui-même Poème romanesque. C'est une sorte de volonté de compromis entre le roman, genre dominant de la phase bourgeoise de la littérature, pour prendre des analyses un peu dépassé aujourd'hui, et la poésie qui est revendiquée comme l'arme de la révolution esthétique par les avant-gardes des années 20, par exemple. Alors, cette nuit kurde, elle est souvent présentée comme quelque chose d'absolument surprenant chez Jean-Richard Bloch, qui l'a publié en 1925. Bon, c'est la nuit kurde, c'est un Orient complètement mythique. Il n'a jamais été en Anatolie, il n'a jamais vu les Kurdes, alors que Kessel... pas dans les mêmes années, mais un peu plus tard, ira en Afghanistan, etc. Donc, c'est pas daté. On ne sait pas à quelle époque se déroule cette œuvre. Il y a une histoire, il y a un personnage central, Saad, qui est un bâtard, puisqu'il est un fils de chef et un fils de chienne, c'est-à-dire d'esclaves chrétiennes. Alors, ce problème de la bâtardise peut-être nous donner une piste qui est la recherche d'identité, bien entendu. Comment à la fois assumer cet héritage et se révolter contre les contraintes qu'il a entendues. Saad est chargé, pour se faire reconnaître par sa tribu, de s'introduire chez un magistrat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il est en recherche d'une identité qu'il raccrocherait à une communauté, il rencontre Hélène, la femme du magistrat, qui est en même temps une figure de mère. Alors là, on complique encore les choses. Et la recherche d'identité est en fait la découverte d'une seule identité possible, qui est un absolu de l'amour, qui est en même temps impossible, puisque ça aboutit au meurtre. L'amour et la mort sont identifiés. Là non plus, l'analyse littéraire elle-même, je ne voudrais pas la mener, mais ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la forme, la structure de l'œuvre qui n'est pas sans rappeler la structure des versets bibliques et la structure d'un certain nombre d'ouvrages mi-érotiques, mi-religieux, musulmans. Enfin, c'est donc une recherche d'écriture qui est en effet en rupture relative avec tout ce qu'a pu écrire Jean-Richard Bloch, alors que son intérêt pour l'Orient, sa recherche du fantastique, me semble se rapprocher d'autres œuvres au moins ébauchées par lui. Alors, c'est aussi Rieder qui va lancer Europe en 1923, dirigé par Albert Crémieux et avec un Jean-Richard Bloch, membre du comité de rédaction et surtout ayant une espèce d'aura morale. Alors, il a beaucoup écrit d'articles dans Europe, et ça des années 20 jusqu'aux années 30, mais il a aussi un peu un rôle de grande figure, si vous voulez, de ce comité de rédaction. Et c'est ça qui me semble important, c'est que Jean-Richard Bloch joue à travers ses fonctions qui lui permettent d'ailleurs de vivre, parce que il avait rompu avec l'enseignement, il pouvait pas vivre éternellement sur la fortune de sa femme, qui lui permettent quand même aussi d'avoir un gagne-pain, parce que il écrit, mais c'est ce rôle de médiateur, c'est-à-dire de personnage qui est au carrefour de tous les courants littéraires et intellectuels, de tout ce qui se passe dans la vie intellectuelle parisienne en particulier, mais aussi internationale, et que rend très bien la richesse de sa correspondance. Il connaît tout le monde. Si on veut comprendre la vie littéraire de ces années-là, il faut lire la correspondance de Jean-Richard Bloch, parce que il est en liaison avec tout le monde. Et ce qui m'intéresse dans ce rôle de médiation, c'est la façon dont il sert un petit peu de mentor, d'éveilleur, chez toute une série de jeunes gens. Alors ça se faisait beaucoup d'aller voir une personnalité reconnue pour lui demander son avis, etc. Mais alors beaucoup de jeunes, pas tous, hein, les surréalistes fréquentent pas trop des gens comme Jean-Richard Bloch, mais les jeunes écrivains, ceux qui ont envie de se faire un nom sans avoir trop d'a priori, au départ passent par chez Jean-Richard Bloch, demanderaient à être reçus, lui demandent des conseils, etc. Il y a des lettres de George Friedman, il y a des lettres de Nizan qui, avant de partir à Aden, lui demande « Alors, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut pas que j'y aille? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, enfin, on vient lui demander et des conseils littéraires, on essaye de caser ses manuscrits aussi, et des conseils, je dirais presque existentiels, si vous voulez. Voilà donc ce rôle de médiation qui explique, à mon avis aussi, pourquoi il choisit la forme de l'essai. Enfin, il choisit pas. Pourquoi c'est le Jean-Richard Bloch essayiste qui me semble prédominant dans les années 20. D'abord parce que tout simplement il recueille des articles qu'il a publiés, mais il leur donne une cohérence. Et on sent bien qu'il y a un fil directeur. Et il y a tout un ensemble, enfin, qui vivait d'ailleurs comme une œuvre à plusieurs étapes, comme ça, puisqu'il y a un titre que je trouve superbe pour l'ensemble de ses essais, c'est « Essai pour mieux comprendre mon temps ». Et ce que j'adore là-dedans, c'est le mieux. C'est pas « Essai pour comprendre mon temps », c'est « Je ne prétends pas donner une clé à mon temps ». Mais c'est apporter une pierre modeste à la compréhension de ce temps-là. Je trouve que c'est un très bon résumé de ce qu'est Jean-Richard Bloch. C'est-à-dire sans sectarisme, sans dogmatisme, et en même temps sans aucune illusion. Parce que ce qui me semble ressortir de ces essais, bon, il y a deux recueils essentiels de cette période, c'est « Carnaval et mort », mais qui regroupe des essais pour un certain nombre antérieurs à la coupure, à la fracture de la guerre. Encore que le premier texte, là, Prière de l'écrivain, qui ouvre le prélude, est presque une définition pour toute la période du rôle de l'intellectuel, qui fait tout à fait la charnière entre ce qui était simple du temps de l'affaire Dreyfus, l'intellectuel doit se battre pour les grandes causes, les grandes valeurs, et ce qui ne l'est plus à partir des années 20, comme le dira Julien Bada dans la Trahison des clercs, où l'intellectuel commence à s'engager, et où donc le Dreyfusard, pour qui la lutte est pour les valeurs et non pas pour l'engagement, pense qu'il y a une trahison dans cet engagement purement politicien ou politique des intellectuels. Alors, dans les années 20, Jean-Richard Bloch est plus ou moins sur ces positions-là, dans Carnaval et mort d'un côté, c'est presque au debout, si vous voulez, ces deux recueils d'essais des années 20, Carnaval et mort est de 1920, et Dessin du siècle, il publie en 1931, c'est-à-dire une date où tout le monde fait son petit bilan des 10 premières années, à droite comme à gauche, on pourrait retrouver une dizaine de recueils d'essais comme ça. Donc c'est en particulier dans Destin du siècle, qui décrit bien les années 20, il pose au fond les questions suivantes. La question du rapport entre l'intellectuel et le peuple. Apollon, l'art, Marsyas, le travailleur. Et il répond, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il répond un peu à Romain Rolland aussi, c'est pas si simple. Il suffit pas d'élever le peuple. C'est-à-dire que l'utopie éducative née des Lumières n'est peut-être pas suffisante pour créer une liaison entre l'intellectuel, l'homme de lettres, la personne éclairée, et le peuple qui a la vertu révolutionnaire mais qui n'a pas le savoir. Donc cette équation-là ne fonctionne peut-être plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il est convaincu par l'autre équation, celle de la révolution. Deuxièmement, il constate une sorte de dégradation, la fin du citoyen. C'est-à-dire, nous faisions partie d'une génération pour qui le maître mot était servir, on est entré dans une civilisation de la jouissance. Ce qui, après tout, pour penser la modernité dans les années 20, n'est pas si mal que ça. D'où aussi toute sa réflexion sur l'homme moderne. Alors, où il ferraille avec la notion de déclin. Il refuse tout à fait la thématique de la décadence qu'il y avait dans les années 20, déclin de l'Occident, déclin de l'Europe, etc., etc. Mais il reconnaît quand même que dans la modernité, qui est un plus, il y a perte de quelque chose. Ce désenchantement du monde dont parlait Max Weber. Mais c'est quand même la naissance d'un homme nouveau. Oui, mais d'un homme nouveau qui n'a rien à voir avec l'homme nouveau de Staline ou de Hitler, qui n'est pas uniquement héros positif. Un homme nouveau qui est plein, qui a des gains et qui a des pertes, si vous voulez. Et c'est ce qu'il dit aussi à propos de la démocratie et de l'ère des masses. Il y a un texte superbe sur le sport, la nouvelle chevalerie, qui est à la fois, bon, en effet, la mise en valeur de l'effort humain dans ce qu'il a de plus beau. Alors ça, c'est toute la thématique d'un Monterland, par exemple, et qui est en même temps une sorte de simulacre de la guerre qui donc éveille les valeurs les plus cruelles, si vous voulez, les plus bestiales de l'homme. Je pense que ça pourrait, à l'ère du Heysel, ça pourrait nous faire beaucoup réfléchir. Bon, donc il y a ça. Il y a aussi dans ce recueil, au fond, une lecture d'ensemble de la période qui est tout à fait résumée par un de ses essais qui s'appelle « Optimisme du pessimisme », qui pourrait résumer toute la philosophie de Jean-Richard Bloch, c'est-à-dire le refus d'un lyrisme absolu. Il y a une critique très forte du wilsonisme, par exemple, alors que Jean-Richard Bloch est pacifiste, mais il refuse le lyrisme, l'illusion. Et en même temps, le pessimisme comme lecture critique du réel lui permet d'être optimiste sur le fond, sur ce qu'est l'espèce humaine, en quelque sorte. Dans ces années d'après-guerre, intense activité littéraire donc pour Jean-Richard Bloch, mais aussi questionnement. Comment écrire? Quel type d'écriture? L'écriture est-elle une forme de révolution? Chez Rieder, c'est une petite maison d'édition pour laquelle il faudrait vraiment qu'on puisse retrouver de la documentation. Elle a été fondée avant-guerre, j'avoue que je ne sais pas exactement à quelle date, mais peu de temps avant-guerre, et d'ailleurs Jean-Richard Bloch avait déjà des liens avec elle, puisque l'effort avait été financé en partie par Rieder à la fin de la petite revue. Et après-guerre, enfin, Jean-Richard Bloch a des liens très importants avec Albert Crémieux, et toute la tribu Crémieux, Benjamin Crémieux aussi, et Albert Crémieux se retrouve directeur des éditions Rieder. C'est lui qui fait rentrer Jean-Richard Bloch, qui est lecteur et ensuite directeur de collection pour les romans. Donc, en ce qui concerne à la fois les romans français, et Rieder a une politique très ouverte. Rieder, c'est un éventail de type NRF avec évidemment des moyens infiniment plus réduits. Mais c'est quand même aussi ouvert que ça, c'est-à-dire d'une part une ouverture à toute la littérature, la jeune littérature française. Rieder a publié, toute une série de jeunes écrivains des années 20, et à la littérature étrangère. Des gens comme Benjamin Crémieux pour l'Italie, par exemple, ont un rôle essentiel. Littérature russe, etc. Il y a aussi des collections, disons, d'essais ou presque de sciences humaines. Il y a une collection christianisme très importante chez Rieder, collection judaïsme très importante. Donc c'est vraiment une édition tout terrain comme ça, bon, qui va subir la crise de 29 très très gravement, qui sera rachetée, enfin qui va faire faillite en 36, et qui sera rachetée par les PUF, qui ensuite vont se réunir avec Alcan pour donner les actuelles presses universitaires de France. Alors, apparemment, les archives ont quasiment disparu. Il y a toujours des incendies dans les maisons d'édition. Et bon, enfin, on trouve dans la correspondance Jean-Richard Bloch une très importante correspondance avec Jacques Robert France, qui était l'autre homme clé des éditions Rieder. Il est mort prématurément à la fin des années 20, qui nous donnerait certainement, si en la développant, beaucoup d'indications sur la vie propre de cette maison d'édition. Mais donc Jean-Richard Bloch, qui a un rôle éditorial tout à fait important pour toute la fiction, donc vous voyez, il écrit plus, mais il s'occupe des romans des autres. D'où Istrati, par exemple, la publication de Panayit Istrati. Et Paul Nizan aussi. Est-ce qu'il a pas publié Nizan chez Rieder? Oui, Nizan a publié Les Chiens de Guerre. Enfin, c'est pas lui qui les a publiés. Il s'occupait du roman, mais c'est Rieder qui a publié Les Chiens de Garde en 1932. Les premières œuvres de Istrati ont été publiées avec un succès énorme par Rieder. Et ont été publiés donc sur la recommandation de Roland par Jean-Richard Bloch, qui lui-même d'ailleurs a réécrit un certain nombre d'œuvres, enfin réécrit, entendons-nous. C'était un homme très respectueux, bien entendu, de l'écriture même de Istrati, qui était un homme qui avait appris le français tout seul, hein, qui était un peintre en bâtiment, qui avait appris le français tout seul, roumain qu'il était, roumano-grec, enfin qu'il était d'origine, et qui avait appris le français en lisant Fénelon, d'ailleurs en lisant le Télémaque de Fénelon, tout seul. Et donc c'était un français qui avait d'ailleurs une couleur très particulière du fait des origines, enfin de l'auteur. Mais il y avait quand même, de là-dedans, y compris au niveau d'orthographe, certains problèmes de syntaxe, des choses qui étaient illisibles par des Français. Et donc le petit travail de toilette, de nettoyage des œuvres au départ a été fait précisément par Jean-Richard. Mmh. Il y a beaucoup de ces œuvres que j'aime beaucoup, en qui je retrouve vraiment une résonance de l'homme que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé. Un recueil comme Les Chasses de Renaud, c'est une chose qui m'est particulièrement sensible. Et aussi Sibylla, c'est un livre très beau que je suis sûre, s'il avait écrit la suite et qu'il avait retravaillé sur l'ensemble, il aurait remanié aussi, dans une certaine mesure. Mais qui est une chose très émouvante et qui m'est très proche et qui m'évoque beaucoup de choses de notre vie commune. Parce que nous avons tout de même partagé, lui et nous, beaucoup de choses ensemble. C'est un homme qui vivait... C'est un homme, c'est vrai, qui était exigeant et bon, qui voulait que ses quatre enfants le laissent travailler. Mais d'un autre côté, c'était un homme qui faisait partager beaucoup de sa vie à ses enfants. Il se promenait avec nous, nous avons fait énormément d'excursions à bicyclette avec lui. Il m'emmenait au théâtre. Je dis il m'emmenait parce que j'étais l'aînée à ce moment-là, c'est peut-être, j'étais assez vieille pour y aller, je me souviens très bien. Par exemple, de la première représentation du Misanthrope chez Copeau, avec lui, à la Générale du Misanthrope. Il y avait une salle qui comptait tout ce qu'il y avait de célébrités dans le monde littéraire à ce moment-là. Et je crois que ma mère n'avait pas pu l'accompagner, probablement qu'un de mes frères et sœurs, je ne sais plus lequel, je ne me souviens pas assez, était malade. Et c'est moi qui l'ai accompagné. Et ça, c'est resté un souvenir... Ça devait se passer en 1923, quelque chose comme ça. Il y a quand même un drame matériel, et plus que matériel, important dans la vie de Jean-Richard Bloch, c'est la perte de cette valise qui contenait tous ces manuscrits, parce que Sibylla faisait partie d'un ensemble. Absolument. Sibylla était le début, il devait y avoir un second volume. Il était déjà en grande partie écrit. Et il avait quoi dans cette valise? Il avait tous ses manuscrits... des quantités de projets, de livres futurs et des cahiers de notes en quantité, parce que mon père était un homme qui prenait des notes sur toutes les lectures qui l'intéressaient. Or, il lisait énormément. Quand il écrivait, il disait lui-même qu'il ne lisait jamais, par discipline, il ne lisait jamais de romans quand il écrivait. Mais il lisait par contre énormément d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Ça le passionnait. Il aimait énormément... Oui, il aimait énormément ce qu'il connaissait des sciences, parce qu'il n'avait pas une formation scientifique du tout. Mais, et par exemple, pendant la guerre de 14-18, pendant une convalescence d'une de ses nombreuses blessures, il s'était fait prêter un télescope, et je me rappelle très bien qu'on regardait les étoiles sur le perron de la Mérigotte, les nuits d'hiver. Des nuits d'hiver qui étaient très froides et très pures. Ça, je me souviens très très bien de ça. Et il avait acheté des ouvrages d'astronomie, ils sont à Poitiers d'ailleurs, je crois. Et ça l'intéressait énormément. Il était passionné par les progrès de la technique. Il était passionné par les progrès de la technique, mais également par les autres aspects de la science. Vous savez, il était très passionné par exemple par la psychanalyse. Et je me souviens aussi que pendant toute une période de sa vie, il avait sur sa table de nuit un petit carnet où il notait ses rêves au réveil. Ça, c'est évidemment après avoir lu Freud. Oui. Prière de l'écrivain. Au moment où je reprends la plume qui m'a été retirée des mains il y a 54 mois, je veux avant toute chose m'humilier devant vous quatre, esprit humain, souffrance, bonté, amitié humaine. Parce que vous m'avez sauvé de la honte d'être un homme. Au moment de reprendre ma plume, je forme le vœu qu'à la surface de cette terre, chaque homme ait un toit décent pour s'abriter. Je forme le vœu que chaque homme ait un égal accès au pain du corps et au pain de l'esprit. Je forme le vœu qu'à la surface de cette terre, où l'air et le blé ne sont pas le privilège des uns plutôt que des autres, nul homme, nulle femme, nul groupe d'hommes ne puisse, au nom de sa richesse ou de sa pauvreté, établir sur le reste du monde une tyrannie. Au moment de reprendre ma plume, j'exprime ma reconnaissance infinie à mes camarades connus ou inconnus qui sont morts pendant cette guerre parce que je leur dois ma dignité d'homme. J'exprime ma reconnaissance infinie à ceux qui ont opposé, à un assentiment que j'estimais fondé, la dénégation et la révolte, parce que je leur dois ma dignité d'homme. Et maintenant, je fais vœu de dévouer mes forces plus que jamais à rechercher, à dénoncer et à abolir l'oppression et la misère de l'homme partout où elle se trouve. Je fais vœu de dévouer mon art aux attributs de la dignité humaine, à l'esprit, à la souffrance, à la bonté, à l'amitié, à l'acceptation, à la révolte, au travail, à l'indépendance, à la joie, à la confiance et au désintéressement de l'homme. Je fais vœu de n'oublier jamais. 1er février 1919, Jean-Richard Bloch. Profil perdu, Jean-Richard Bloch, par Anis Clément, avec Marianne Millot, Michel Bloch, Gilles Volkovitch, Christophe Prochasson, Jean Albertini, Michel Trebitsch et la voix de Jean-Richard Bloch. Texte lu par Jean Negroni. Prise de son, Éric Damaggio. Mixage, Pascal Bénard, Corinne Prasnotsi. Réalisation, Dominique Costa. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 novembre 1990. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.